Chapitre 6e. À la vache. Vint enfin le matin où Karim se rend chez la mère de Zara pour lui demander officiellement d'épouser sa fille. Selon la coutume, l'aspirant époux est accompagné de sa propre mère. À cette occasion, ils ont porté avec eux une très belle et grande tarte offerte à la future belle-mère. De son côté, cette dernière a préparé un couscous avec du poulet. Une fois tous assis autour de la table basse, Karim et sa mère, ainsi que Zara et la sienne, demeurent un instant silencieux. Ils ne savent pas comment démarrer la négociation au sujet de la dot de mariage. En outre, Karim est embarrassé. Il n'est pas la sauce où de la viande a été cuite. Cependant, il ne peut pas décliner l'invitation à manger. Ce refus serait interprété comme une grave offense. Quant à sa mère, au courant de son choix végétarien, elle ne sait pas quoi dire. Karim raisonne, exerce sur lui-même le maximum effort et parvient à accomplir honorablement son rôle d'invité. Il réussit à manger du couscous et des légumes sans toucher à la viande. Devant la gentille insistance de la mère de Zara pour la consommer, il invente un pieux mensonge, ne pouvant pas confesser son orientation alimentaire. « Ces jours-ci, déclare-t-il, je ne peux pas manger de la viande à cause d'un petit problème de santé. » L'argument convainc la généreuse hôtesse. La mère de Karim, pour sa part, ne réagit pas. En elle-même, elle apprécie la manière courtoise employée par son fils afin de ne pas mettre dans l'embarras la mère de Zara. Après le repas, les estomacs satisfaits permettent une certaine détente empreinte de bonne humeur. C'est le moment propice pour le traditionnel marchandage. La mère de Karim demande à celle de Zara « Chère voisine, voici le moment de te demander la somme d'argent que tu désires pour accorder ta fille comme épouse à mon fils. » L'interpellée, gênée et timide, ne sait pas quoi répondre et se tourne vers Zara. « Maman, déclare cette dernière avec délicatesse, laissons la tradition et ses règles. » « Oui, naturellement, toi et papa, vous avez dépensé de l'argent pour me faire vivre jusqu'à parvenir à l'âge du mariage. Mais Karim, lui aussi, ses parents ont dépensé de l'argent pour en faire un homme. Par conséquent, ta fille n'est pas une vache. Elle n'est donc pas à vendre. La seule chose qui doit te préoccuper, maman, est de savoir si le mari qui me demande comme épouse est bon, honnête, loyal et travailleur. Je pense connaître désormais assez Karim pour dire que oui. » Connaissant la règle de la bienséance traditionnelle, Zara n'a pas évoqué la qualité la plus importante à ses yeux concernant le mariage, l'amour. Cependant, elle compte sur le contenu tacite de ses propos afin que sa mère, celle de Karim et ce dernier, intègrent cet élément sentimental primordial dans la description d'une heureuse union matrimoniale. « C'est à toi de décider, mon enfant, » concède la mère de Zara, d'un ton sincère. « Ceci dit, je pense que tu as raison. En effet, quelle valeur peut avoir un être humain qu'on achète avec de l'argent ?» Elle se tourne vers la mère de Karim. « N'est-ce pas ?» L'interrogé répond. « Les paroles que je viens d'entendre sont très sages et j'en suis très heureuse. Oui, il est temps de comprendre que ce n'est pas l'argent, mais le sentiment qui doit présider aux relations humaines, et d'abord entre époux et épouse. Ce dont Zara et Karim ont besoin, c'est de se vouloir réciproquement du bien sincèrement, dans toutes les circonstances de la vie. C'est la base du respect et de la solidarité dans le couple. » Bien entendu, tous ont compris le contenu implicite de l'expression « se vouloir réciproquement du bien ». La traditionnelle pudeur interdit de prononcer « amour ». À ce propos, une pensée surgit chez Karim. Le jour où l'on parlera d'amour de manière normale, sans gêne, un immense progrès sera réalisé dans les relations humaines. La pudeur devrait prohiber uniquement les mots vulgaires ou méchants, et pas le mot le plus beau dont dispose l'humanité. La mère de Zara conclut, en s'adressant à Karim de la voix la plus tendre et avec beaucoup d'émotion contenue. « Que puis-je te dire, ô mon enfant ? Zara est à toi, et j'en suis heureuse. Je te connais depuis longtemps, et je suis convaincue que tu rendras ma fille heureuse. De tout mon cœur de maman, je t'en suis reconnaissante. » « Moi aussi, chère mère, » répond Karim du même ton, « je te suis reconnaissant et m'efforcerai de mériter ta confiance et celle de Zara. » La mère de Karim intervient, très émue. « Pour ma part, « voici la dot que je vous offre. Dorénavant ?» Elle s'adresse à la mère de Zara. « Tu n'es plus uniquement une voisine, tu es ma sœur. » Elle se tourne vers Zara. « Et toi, tu es ma fille. » Regardant la mère et Zara ensemble, « vous êtes des membres à part entière de notre famille, ou plus exactement, nous sommes désormais une seule et même famille. »